Feu, vol, vandalisme ou rénovation. L'équipe qu'il vous faut, c'est celle de ProNet Régent Côté, communément appelée GUS. Bien implanté dans son milieu depuis 25 ans, GUS est générateur d'emplois dans sa communauté avec plus de 35 emplois créés dans le secteur. GUS, 1651, route 169, Saint-Félicien, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances à l'organisation du triathlon de Saint-Félicien et souhaite du beau temps aux organisateurs. Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, Monsieur Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de football avec notre ami Jean-Philippe Caron-Tremblay. Hier, on a parlé avec François Laberge. Là, maintenant, on va parler avec l'instructeur-chef Jean-Philippe Caron. Salut, Jean-Philippe. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, Jean-Philippe. Comme on a fait avec François Laberge, on va parler de l'équipe un peu. À quoi tu t'attends cette année? Ben, je pense qu'on va avoir une équipe positive. Là, ce que je vois dans les pratiques, ce que je vois là, hors du terrain aussi, là, les gars sont mindés, puis on a du talent. Donc, on a des bons joueurs à toutes les positions. On n'a pas beaucoup de profondeur, là, ça, c'est certain. OK. Du côté du recrutement, ça a quand même bien été, je pense, hein? Oui, quand même. Là, j'ai travaillé fort. Là. C'est sûr qu'on a eu, on a 5 Français qui sont déjà arrivés. Ensuite de ça, là, c'est sûr, on a quelques gars de Québec. On a quelques Lynx aussi là, qui sont venus, qui sont ajoutés à ça. Puis, non, ça va être quand même bien. Là. Ça va tourner autour de 35. Là, okay. Plus ou moins 35 joueurs. Le rôle des Français dans l'équipe. Hier, je parlais avec François Laberge du Cégep de Jonquière. Il me disait qu'ils ont quand même un rôle assez important. Toi, avec les Génois, quel rôle que tu leur donnes? Moi, à vrai dire, en tout, là, j'ai 8 Français dans l'équipe, puis les 8 vont être starters. Donc, c'est quand même, ils vont avoir un bon rôle, puis c'est sûr que quand on va chercher des gars d'aussi loin, on n'a pas vraiment le choix là, de les intégrer, puis on va chercher qu'est-ce qui nous manque, puis on lui donne la chance là, de se prouver. Là. OK, OK. Si on parlait un peu maintenant de la force de l'équipe, on va se situer à quel niveau? Donc, c'est sûr qu'au niveau des receveurs de passe, plus tard, hier, je pense que ça va être vraiment, là, à l'offensive, ça va être notre grosse force. On a quelques vétérans qui sont là, puis des bonnes recrues aussi, là, qui sont arrivées, là. Donc, ça, c'est bien. Ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau du fort, hier, j'ai Jean-Philippe Cordero, là, qui va très, très bien dans les pratiques. Donc, j'ai hâte de voir ça, là. Ça risque d'être assez explosif. Okay. Au niveau défensif, je pense que ma D-line, ça va être ma grosse force. J'ai des gros D-line, puis, je pense qu'on va être très bon sur le D-line. Puis au niveau de mes DB aussi, c'est quand même bien. Donc non, je pense qu'on va être assez balancé. OK, OK. Si on parlait maintenant du côté de nos joueurs du haut du lac, à quoi ça va ressembler maintenant? Si on y allait avec d'abord un gars que je connais bien, mais, parce qu'il est pareil avec moi, Mathias Bouillon-Adam, c'est un joueur quand même qui a très, très bien fait qu'un entraînement, ce qu'on dit. Oui, absolument. C'est sûr que Mathias, c'est une très bonne recrue, comme on dit, là. Il joue comme un vétéran. Il va être dans mon top 2 de mes meilleurs O-line. Donc, c'est sûr que c'est une très grosse acquisition. Ensuite de ça, j'ai Tommy Plamondon, là, qui fait un transfert de la Bocatière pour venir ici. Il vient de Saint-Félicien. Donc, lui, c'est ça. Là, il joue à position de carrière, là, mon deuxième carrière, mais il va jouer, là, peu importe ce qu'on va le faire jouer, là. Je pense qu'il est prêt à prendre des répétitions, puis il est prêt à être sur le terrain. C'est un peu là, ce qu'il aimait moins quand il était de l'autre côté. Donc, lui, c'est sûr qu'on va lui donner du terrain. Puis, à date, là, il fait très bien. Puis, c'est super bon. OK, OK, OK. Il y a d'autres joueurs aussi, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Il y a Guillaume Côté qui est avec nous. Là, que lui, c'est ça. Là, c'est sa troisième année qui va être avec nous. Puis ensuite de ça, il en avait un autre, mais lui, il a lâché récemment. Donc, j'en parlerai pas. OK, OK. Ben, premier match en fin de semaine, c'est ça? Oui, exactement. Donc, samedi à 1h, sur le terrain des Janois, sur le terrain du collège. Donc, contre Drummondville, donc, gros premier match. Je pense que Drummondville a quand même une bonne équipe, là, à ce que j'ai entendu. Là, sûr que nous, on a vu plus des vidéos de l'an passé, puis on a entendu un petit peu parler. Mais je pense que ça va être une équipe compétitive aussi, puis, mais on est très confiants, je te dis. OK. Ben, Jean-Philippe Caron-Tremblay, on va te souhaiter la meilleure des chances. Comment tu trouves ça, première année à la barre d'équipe? Une question que je suis en train d'oublier. T'aimes-tu ça? Oui, absolument. C'est sûr que de travailler dans le football, là, On peut pas demander vraiment mieux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses, mais non, j'adore ça. Puis c'est de préparer mon équipe. Puis je pense qu'on a pas un super gros nombre de joueurs, mais on va arriver assez près, là, puis assez mindé. J'ai hâte de voir ça. OK. Ton objectif, tu me disais hier que c'était rentrer deuxième ou troisième, c'est ça? Tu vises un top 2? Bon, je vise le top 3. Là. Juste pour, nous, on s'est parlé avec les coachs, avec les joueurs aussi. Puis je pense qu'avec le talent qu'on a, on vise le top 3. Puis, c'est assez réaliste, je pense. OK. Ben Jean-Philippe Caron-Tremblay, un gros, gros merci. On s'en reparle durant l'année. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc l'instructeur chef des Girondins d'Allemagne, Jean-Philippe Caron-Tremblay.